Elle reçut en effet, 2 jours plus tard, une lettre de son fils, et elle la considéra, dans l'affolement de sa peine, comme le début du soulagement promis par l'abbé. « Ma chère maman, n'aie pas d'inquiétude. Je suis à Londres, en bonne santé. Mais j'ai grand besoin d'argent. Nous n'avons plus un sou et nous ne mangeons pas tous les jours. Celle qui m'accompagne et que j'aime de toute mon âme a dépensé tout ce qu'elle avait pour ne pas me quitter, 5 000 francs. Et tu comprends que je suis engagé d'honneur à lui rendre cette somme d'abord. Tu serais donc bien aimable de m'avancer 15 000 francs sur l'héritage de papa, puisque je veux être bientôt majeur. Tu me tireras d'un grand embarras. Adieu, ma chère maman. Je t'embrasse de tout mon cœur, ainsi que grand-père et tante Lison. J'espère te revoir bientôt. Ton fils, Vicomte Paul de Lamarre. » Il lui avait écrit. Donc, il ne l'oubliait pas. Elle ne songea point qu'il demandait de l'argent. On lui en enverrait, puisqu'il n'en avait plus. Qu'importait l'argent? Il lui avait écrit. Et elle courut, en pleurant, porter cette lettre au baron. Tante Lison fut appelée, et on relut, mot à mot, ce papier qui parlait de lui. On en discuta à chaque terme. Jeanne, sautant de la complète désespérance à une sorte d'alivrement d'espoir, défendait Paul. « Il reviendra. Il va revenir puisqu'il écrit. » Le baron, plus calme, prononça. « C'est égal. Il nous a quittés pour cette créature. Il aime donc mieux que nous, puisqu'il n'a pas hésité. » Une douleur subite et épouvantable traversa le cœur de Jeanne. Et tout de suite, une haine s'alluma en elle contre cette maîtresse qui lui volait son fils. Une haine inapaisable, sauvage, une haine de mère jalouse. Jusqu'alors, toute sa pensée avait été pour Paul. À peine songeait-elle qu'une drôlesse était la cause de ses égarements. Mais soudain, cette réflexion du baron avait évoqué cette rivale, lui avait révélé sa puissance fatale. Elle sentit qu'entre cette femme et elle, une lutte commençait, acharnée, et elle sentit aussi qu'elle aimerait mieux perdre son fils que de le partager avec l'autre. Et toute sa joie s'écroula.